Ajahn Chah. Ne laissez pas le singe brûler votre maison. Le bouddhisme nous apprend à faire de sérieux efforts dans ce que nous entreprenons, mais nos actes ne doivent pas être empreints de désir. Ils devraient seulement être accomplis dans le but de lâcher prise et de réaliser le non-attachement. Nous faisons ce que nous avons à faire, mais sans saisie. C'est ce que le Bouddha a enseigné. Mais c'est fatigant. Il est dur de s'enthousiasmer pour cela. Dans le monde, les gens font ce qu'ils font pour obtenir quelque chose. Quelqu'un qui va voir un médecin ou un comptable, par exemple, en attend un service. En général, tout ce que l'on fait est motivé par le désir d'obtenir, de bénéficier de quelque chose. Ainsi, l'attachement et la saisie deviennent un mode de vie. Mais si nous accomplissons les tâches qui nous incombent en fonction de nos responsabilités et que nous travaillons correctement avec une compréhension juste, nous pouvons être à notre aise. Lorsque vous plantez un arbre, si vous voulez faire les choses comme il faut et en obtenir des fruits, comment vous y prendre pour avoir l'esprit détendu? Vous faites ce qui vous incombe. C'est à vous de prendre le jeune arbre en main, à vous de creuser le trou, à vous de planter l'arbre, à vous de lui apporter des engrais, de l'arroser et d'en écarter les insectes. Et puis c'est tout. Arrêtez-vous là. La vitesse à laquelle l'arbre va pousser n'est pas de votre ressort. Lâchez cette partie-là. Vous créez les causes nécessaires en plantant le jeune arbre et en prenant soin. Mais ne vous dites pas « Quand arrivera-t-il à maturité ? Quand donnera-t-il des fruits ?» Non, ce ne sont pas vos affaires. C'est l'affaire de l'arbre. Si vous vous dites « Je l'ai arrosé et j'ai fait tout ce qu'il fallait. Puis-je maintenant le forcer à pousser plus vite ?» Cela ne servira à rien. Ce n'est pas votre responsabilité, mais bien sûr, il y a un lien. Si vous avez préparé correctement le travail, l'arbre ne manquera pas de pousser selon sa nature. Si vous comprenez les choses ainsi, vous serez tranquille. Mais si vous voulez que l'arbre pousse en un jour ou deux après tout le travail que vous avez investi, c'est une erreur et vous serez malheureux. À ce stade, n'y pensez pas trop, tout simplement. Le tout est de créer les bonnes causes. Si les causes sont bonnes, le résultat sera inévitablement bon lui aussi, parce que tout naît d'une cause. Nous avons des obligations et nous les remplissons au mieux, mais nous agissons sans attachement, simplement en prenant soin de ce dont nous sommes responsables. Si nous essayons d'assumer les responsabilités de l'arbre, nous allons nous désoler. L'important est de faire en sorte que les causes soient bonnes. Ensuite, le résultat sera bon. Si nous pensons ainsi, l'esprit sera léger. Sinon, nous allons faire le travail de l'autre, surveiller l'arbre aujourd'hui et retourner le voir demain en espérant le voir pousser. Assumer ses responsabilités est ce que l'on appelle avoir des moyens d'existence justes. Mais il peut y avoir toutes sortes de choses très ordinaires qui vont nous rendre les choses difficiles. Par exemple, des insectes vont tracasser celui qui s'occupe de l'arbre et l'énerver. Lorsqu'il y a de nombreuses tâches et de nombreuses personnes impliquées, toutes sortes de problèmes et de querelles peuvent surgir et perturber notre esprit, alors même que nous essayons de faire de notre mieux. Tout cela est normal. Ainsi, critiques et compliments sont des jugements qui vont de pair. Sans critique, il n'y a pas de compliment, et sans compliment, pas de critique. Nous devons être capables de faire face aux deux, Nous devons comprendre que tout cela arrive pour nous aider, pour nous réveiller. Il ne s'agit que de cela, de sonnettes d'alarme. Mais nous ne voyons pas les choses ainsi. Si quelqu'un dit du mal de nous, nous sommes aussitôt furieux et avons le cœur lourd. Et si on chante nos louanges, nous poussons un soupir de contentement. Nous ne voyons pas que les deux vont de pair, mais c'est ainsi. De même, ce que nous savons bien faire aujourd'hui, nous ne savions pas le faire correctement avant. L'un vient de l'autre. C'est en sachant ce qui ne va pas que l'on arrive à connaître la manière juste. Tout cela est très naturel. Si nous comprenons les choses ainsi, le lâcher-prise suivra. Voilà de quoi réfléchir pour vous tous. Ensuite, faites l'effort de mettre tout cela en pratique. Le Bouddha a enseigné que certaines actions sont justes. Quelques personnes mettent cet enseignement en pratique tandis que d'autres ne s'y intéressent pas ou ne le connaissent pas et font tout le contraire. Cela risque de vous perturber, mais vous devez simplement considérer que c'est ainsi que vont les choses dans ce monde. En fait, cela doit être ainsi. Aujourd'hui, quand on nous critique ou que l'on dit du mal de nous, cela nous est insupportable. Pourtant, la situation va se représenter un jour ou l'autre. Si vous recevez des compliments, vous aurez aussi des critiques. Les deux vont de pair. Comprenant cela, nous tâchons de résoudre le problème. Nous ne pouvons pas avoir seulement le bon côté des choses, c'est impossible. Les deux se présentent continuellement dans cette vie. Ce sont des obstacles que nous devons affronter. Lorsque nous travaillons, nous rencontrons des difficultés. Sans difficulté, il n'y a pas de souffrance, et sans souffrance, nous ne nous posons aucune question, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi le Bouddha a parlé de la vérité de la souffrance. Si vous voyez les choses sous l'angle du Dhamma, vous pouvez arriver à avoir l'esprit en paix, à apprendre peu à peu par vous-même. Réfléchissez à cela. Vous plantez un manguier dans l'espoir d'en obtenir des fruits, mais toutes les mangues seront-elles comestibles ? Quand vous mangez une mangue bien mûre, pensez-vous parfois à toutes celles qui ont été perdues ou rejetées ? Si ce type de considération vous décourage, vous pouvez décider de ne pas planter l'arbre du tout. Beaucoup de mangues tombent de l'arbre avant d'être mûres et pourrissent par terre. D'autres ne mûrissent pas bien. Alors pourquoi se donner du mal ? Mais voilà, c'est ainsi. Certains fruits tombent et vous en jetterez vous-même d'autres, mais vous plantez tout de même des arbres et vous en prenez le plus grand soin possible. C'est grâce à cela que vous pouvez manger de bonnes mangues aujourd'hui. Si vous vous dites « Qui aurait envie de planter des manguiers quand les fruits tombent prématurément ?» Vous ne mangerez jamais de mangues. Vous devez continuellement revenir en arrière pour rechercher la cause de tout ce qui se produit. Mais si vous vivez dans un lieu agréable et confortable, vous n'en aurez pas envie. Il faut que vous viviez dans un endroit qui ne dispose pas de tous les conforts pour faire vous-même apparaître le vrai confort. En vérité, si vous pratiquez correctement, il y aura toujours un moyen. Si les gens disent du mal de vous, il faut être capable de le supporter, sinon vous vivrez dans la souffrance jusqu'à votre dernier jour. On me demande parfois, « Luang Por, si nous ne devons tuer aucune créature, comment pourrons-nous survivre ? Et si nous cessons de tuer les moustiques, ils vont nous piquer. » Alors je demande, « Mais depuis combien de temps tuez-vous des moustiques ?» « Depuis que je suis enfant, me répond-on. »« Alors, dis-je, les moustiques ont-ils disparu pour autant ? » ?»« Vous pourrez passer toute votre vie assis là, à tuer des moustiques, sans en voir la fin. » si les moustiques ne s'arrêtent pas de piquer, vous avez intérêt à arrêter d'essayer de les tuer. À ce moment-là, il n'y aura rien. Si vous voulez continuer à vous battre en espérant vaincre, vous serez toujours perdant. Dans le monde des animaux, quand ils sentent une source de nourriture, ils vont s'en emparer. Ils ne voient pas les choses comme nous. Alors, élevons notre esprit au-dessus du niveau animal. Si nous voulons jouer à ce jeu avec les moustiques, nous perdrons à tous les coups. Je dis tout cela pour vous faire réfléchir. Si vous voulez tuer, allez-y, tuez. Mais vous ne viendrez pas à bout des moustiques, je vous le garantis. Si vous voulez vous mesurer à quelque chose qui ne peut pas s'arrêter, quand enverrez-vous la faim? Tuer des moustiques ne fera pas disparaître les moustiques. Dans un pays comme la Thaïlande, je suppose que, puisqu'ils ne vont pas cesser de piquer les gens, ce soit nous qui arrêtions d'essayer de les tuer. Ainsi, c'est terminé. Nous échappons au problème. Que ferons-nous si nous ne pouvons pas tuer les moustiques? Nous penserons peut-être que l'enseignement du Bouddha est trop exigeant quand il nous dit de ne pas tuer les moustiques. À quoi servent-ils après tout? Voilà ce que nous pensons. Si nous pouvions connaître les sentiments des moustiques, peut-être se disent-ils « À quoi donc servent les humains ?» Alors, que faire? Je dis ce qui me passe par la tête, comme cela. Mais nous devons bien réfléchir à tout cela et nous arriverons à mieux comprendre. À quoi servent les moustiques? Ils viennent simplement boire notre sang. Il faut qu'ils se nourrissent. Et c'est tout. Si nous construisons une maison, cette maison n'est pas seulement à nous, en réalité. Des lézards viennent s'y installer. Des souris viennent y vivre. Ces animaux ne savent pas à qui cette maison appartient. Ils voient un lieu qui peut leur servir d'abri et ils viennent s'y loger. Mais nous sommes furieux et nous nous disons « Hé, les souris dévorent mes oreillers et mes matelas !» Mais les souris n'en savent rien. Elles voient des choses utiles pour faire un nid à leurs petits. C'est ainsi qu'elles fonctionnent. Elles n'essaient pas de nous voler quoi que ce soit. Si nous avons une sagesse qui va au-delà du niveau animal, nous prendrons soin de nous-mêmes, nous développerons notre compréhension et il n'y aura pas de problème. Le Dhamma doit nous amener à la racine des choses, comme cela. Tanha est la soif du désir attachement. Si nous réfléchissons bien aux choses de cette manière, nous pouvons l'endiguer. Dans les livres, on l'appelle la soif du désir, mais dans mon système de méditation, je l'appelle la grande ouverture. Ouverture sans fermeture, voilà ce qu'est Tanha dans la pratique méditative. Il est dit « Il n'y a pas de torrent plus puissant que le désir ». S'il y a une grande ouverture et pas de fermeture, la souffrance n'aura pas de fin. Le désir ne relève pas de la bouche ou de l'estomac. Ceux-là peuvent être satisfaits. Si l'estomac n'est pas assez plein, on peut manger quelque chose. Mais le véritable Tanha va beaucoup plus loin que la bouche ou l'estomac. Il n'a pas de forme et n'est pas personnel. C'est juste une grande ouverture. J'ai comparé cela à un chien. On donne du riz à un chien et il le mange. Un bol, deux, trois ou même cinq. Son estomac est plein, mais son désir est toujours là, grand ouvert. Mettez un autre bol de riz devant lui et il va s'asseoir devant pour monter la garde. Si un autre chien arrive, il va grogner. Si une poule arrive, il va grogner. Cela montre bien que ce n'est pas dans l'estomac ou la bouche que se situe la source du désir. Même si ceux-là sont satisfaits, la pensée ou le ressenti qui a cette soif inextinguible que l'on appelle Tana demeure toujours. C'est pour cette raison que le Bouddha a dit « Il n'y a pas de torrent plus puissant que le désir. » Quand celui-ci reste ouvert, il ne peut jamais être satisfait ou rempli. S'il est fermé, quand vous versez de l'eau, elle ressort. S'il est ouvert, l'eau entre et ne le remplit jamais. Elle continue à entrer et à s'écouler. C'est ainsi, jamais satisfait, toujours avide de quelque chose. Imaginez une personne amoureuse de la vie et qui ne pense pas à la mort. Quand elle est gravement malade, elle gémit et supplie en disant « Je vous en prie, donnez-moi encore un peu de temps. Si vous devez m'emporter, que ce soit plus tard. » Et elle guérit. Elle retombe malade et supplie à nouveau en disant « Puis-je avoir encore un peu de temps? Ne m'emportez pas encore. » Lorsque nous sommes forts et en bonne santé, nous ne pensons pas à la mort. Nous n'avons pas le sentiment d'être en danger. Pourtant, tous les dangers nous guettent puisque nous ne sommes pas encore morts. Ensuite, quand nous tombons malades, nous disons « Je voudrais encore un peu de temps. Il ne serait pas juste de partir maintenant. » Cela peut se produire souvent et, chaque fois, nous disons « Pas encore, s'il vous plaît. » La vérité, c'est que nous avons peur. Nous ne voulons pas mourir. Un point, c'est tout. C'est une question d'avidité aveugle, un attachement immodéré à la vie. Voilà un exemple de Tana. Si nous ne développons pas la sagesse qui permet de prendre conscience de ce désir, nous sommes toujours dans un état de souffrance. Tana est appelée soif du désir. Une meilleure façon de l'exprimer serait ne pas être satisfait. Celui qui est libéré de Tana aura encore des désirs, mais il pourra être satisfait, tandis que Tana est impossible à contenter. Nous le portons avec nous et nous nous lamentons tout le temps. Nous nous plaignons de ce fardeau, mais nous ne voulons pas le déposer. Si nous avons beaucoup de désirs, le fardeau pèse très lourd. Les gens veulent beaucoup de choses, mais ne veulent pas porter ce poids. Ce n'est pas une façon d'arriver à la vérité. Si nous comprenons, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas un problème. Nous pouvons en voir le bout. Je pense que le Dhamma est difficile et compliqué. Mais si nous l'étudions et méditons vraiment dessus, il peut mettre fin à tous nos soucis. Les choses que le Bouddha a enseignées ne sont pas impossibles à pratiquer. Parmi tous les enseignements qu'il a donnés, il n'y en a pas un seul qui soit hors de notre portée. Il n'a enseigné que ce qui est bon pour nous et pour les autres. Ce qui n'est bon ni pour nous ni pour les autres, il ne l'a pas enseigné. Je vous demande de bien réfléchir à cela. Si vous souffrez dans votre vie quotidienne, vous devriez considérer le pourquoi. Disons que vos enfants ne vous écoutent pas. Eh bien, qui a fait ces enfants? Si vous souffrez à cause de vos enfants, la cause réside en vous. C'est ainsi que vous devez réfléchir, en retournant à l'origine des choses. Si vous voulez juste résoudre la situation en forçant vos enfants à se comporter d'une certaine manière, vous n'y arriverez pas et vous finirez en pleurs. En réalité, quelle est la raison? Il y a une cause. Vous devez être attentif et voir de quoi il s'agit. Les choses n'apparaissent pas comme cela sans cause. À nous d'être sérieux et d'aller investiguer de près. Le Bouddha nous a donné les moyens de comprendre que le monde est ainsi. Il a pu trouver la paix parce qu'il a compris la réalité des choses telles qu'elles sont. De quoi s'agit-il? Prenons une analogie. Avez-vous vu des singes? Sont-ils calmes et paisibles? Existe-t-il des singes calmes? Il est dans leur nature de sauter et de grimper tout le temps. Où qu'ils soient, les singes agissent ainsi. Vous serez peut-être agacé par leur comportement, pensant qu'ils devraient rester assis tranquillement au lieu de sauter partout. Vous pourrez même avoir envie de leur tordre le cou tant ils vous énerveront. Mais a-t-on jamais vu un singe tranquille, capable de rester immobile comme les humains qui apprennent à méditer et à se comporter avec calme? Cela n'existe pas, sauf si le singe est mort. Alors, que devez-vous faire? Allez-vous les forcer à être différents de ce qu'ils sont? Vous devez comprendre que c'est simplement le comportement normal des singes. Que le singe soit calme ou pas, votre propre ressenti est une autre affaire et il peut, lui, être calme. Laissez les singes être des singes sans en être émotionnellement affectés. La paix peut naître en vous parce que vous savez que les singes sont ainsi. De ce fait, vous lâcherez toute forme d'agacement et serez en paix, sans vous préoccuper de ce que font les singes. Vous les voyez et vous réalisez que les singes sont ainsi. Vous allez ailleurs, vous voyez d'autres singes et vous vous dites « les singes sont ainsi ». Il n'y a aucune négativité de votre côté, parce que vous savez que telle est la nature des singes. Un point, c'est tout. Par contre, si vous tenez absolument à ce que les singes soient calmes, vous allez récolter de la souffrance. Ce n'est pas la façon dont le Bouddha propose de résoudre les soucis. Vous devriez les résoudre au moyen d'une connaissance de la réalité. Si vous continuez à étudier les choses en profondeur, vous en viendrez à comprendre qu'il n'est pas dans vos capacités de changer les choses. Vous devrez donc les laisser aller, lâcher prise. La sagesse qui connaît la réalité des phénomènes, qui sait qu'ils sont ainsi et qui leur permet d'être ce qu'ils sont, apporte la paix à l'esprit. Il n'y aura aucun doute. Il en va de même pour le monde. On dit que le Bouddha est celui qui connaît clairement le monde, tout comme nous connaissons clairement les singes. Tout fonctionne ainsi dans le monde. Généralement, les gens arrivent à comprendre cela parce que la nature les a mûris, qu'ils ont vécu beaucoup d'expériences. À ce moment-là, ils entendent parfois juste un peu de Dhamma et ils regardent en arrière avec beaucoup de regret et se disent « Oh, je souffre depuis tant d'années, et tout cela parce que je voulais que la vie se conforme à mes désirs. » Et pas seulement des années. Il est possible de continuer à souffrir ainsi jusqu'à la mort si vous continuez à penser selon les mêmes vieux schémas et que vous refusez de lâcher prise. Dans ce cas, vous ne verrez jamais fleurir la paix. Vous ne verrez jamais le moment où vous pouvez lâcher prise. Les choses sont comme elles sont, mais vous voulez qu'elles soient autrement et cela ne peut pas être. Quelle que soit la véritable nature d'un phénomène, c'est cela que vous devez voir.